بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في سورة العنكبوت الآن وسنخوض مسألة واحدة المسألة الثامن والثلاثين بعد المئة 138e مسألة certaines on les a passées hein. On les saute certaines se répètent certaines le côté contradictoire n'est pas vraiment flagrant et d'autres seront très difficiles pour moi à expliquer ou même à traduire ou à les aller. Donc on les passe à chaque fois, comme je l'ai déjà expliqué au début du dars, les doros. 138e mas'ala. Fi qawlihi ta'ala waj'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Et nous avons mis dans sa descendance la prophétie ainsi que le livre. Al-Ankabut, l'araignée, verset 27. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. هذه الآية الكريمة تدل على أن النبوة والكتاب في خصوص ذرية إبراهيم. Donc ce noble verset démontre que la prophétie ainsi que le livre, et là le livre c'est le sens voulu par les livres, comme on l'a appris dans notre Masaïl précédemment, le livre ça veut dire les livres en fait, ont une chose qui sont spécifiques à la descendance d'Ibrahim, alayhi salam. وقد ذكر في سورة الحديد ما يدل على اشتراك نوح معه في ذلك في قوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. Et pourtant dans sourate al-Hadid le fait, il y a un autre verset qui montre qu'également la chose concerne également Nour, lorsque dans le sens Allah dit que nous avons certes envoyé Nour ainsi que Ibrahim et nous avons mis dans leur descendance la prophétie ainsi que le livre. Verset 26, Al-Hadid. Donc là, on pourrait croire qu'il y a une contradiction alors qu'il n'en a pas. وَالْجَوَابُ أَنَّ وَجْهَ الْإِقْتِصَارَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ أَنَّ جَمِيعَ الرُّسُلَ بَعْدَهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَذِكْرُ نُوحٍ مَعَهُ لِأَمْرَيْنِ. Donc déjà, premièrement, on va dire que le fait qu'il n'ait cité que Ibrahim dans le verset de l'Ankabout, tout simplement que tous les messagers venus après Ibrahim sont tous de sa descendance, tout simplement. Tous les messagers prophètes venus après Ibrahim sont tous de sa descendance. Et le fait qu'il ait cité Nour avec lui, dans l'autre verset dans le hadith, pour deux choses. Ahaduhuma, anna kulla man kana min zuriyat Ibrahim, fawwa min zuriyat Nour. Que tout ce qui fait partie de la descendance d'Ibrahim fait forcément partie de la descendance de Nour. Car Ibrahim est venu après Nour. Et cela après eux. وثاني أن بعض الأنبياء من ذرية نوح لم يكن من ذرية إبراهيم كهود وصالح ولوط ويونس على خلاف فيه ولا ينافي ذلك الاقتصار على إبراهيم لأن المراد من كان بعد إبراهيم لا من كان قبلهم أو في عصره كلوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. Donc deuxième réponse, c'est tout simplement que certains أنبياء sont de la descendance de Nour, ne sont pas de la descendance d'Ibrahim. C'est-à-dire ceux qui sont venus après Nour, mais qui sont venus avant Ibrahim. Ceux-là ne sont pas de sa descendance. Comme Hud, ou Salih, ou Lot, et Yunus, avec un khilaf sur Yunus. Donc cela n'empêche pas le fait qu'on puisse également limiter cette Nubuwa et ce livre à Ibrahim par rapport à ceux qui sont venus après lui. Quant à l'autre, lui, c'est un contemporain d'Ibrahim, comme vous le savez. Donc, il est de la Zuriya, de la descendance de Nour, et non pas de celle d'Ibrahim. Donc, ça, c'est la réponse. Quand lorsque Allah Azzawajal a cité Ibrahim tout seul, cela concerne sa descendance à lui. Et lorsqu'il cite les deux, cela concerne la descendance de Nour, c'est-à-dire qu'il comprend Ibrahim avec lui, et celle d'Ibrahim avec lui, et ceux qui sont venus avant Ibrahim. Naam, hadha wal jawab, an hadhihi al-ayat, wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin.